Appelons ça la quatrième ère, ou l'ère du tout numérique. Notre but assumé est d'amasser du fric. Quand t'as une balle, on ferme ta gueule. QSM est rutilant, on dirait une Mercedes. QSM se délasse, entouré de DS. QSM boit du vin, pas besoin d'aphrodisiaque. QSM sonne le tocsin, à grands coups de vieille latte. QSM aime le vice, il s'est mis dans la luxure. QSM a ses as, c'est une actrice qui murmure. Murmure des jeteués à qui veut bien l'entendre. Détruit au tailleux, ce que t'appelles ton membre. On dirait que tu as peur, on dirait que tu as froid. Est-ce de la sueur ou des larmes sur tes tempes? Y'en a qu'on a des fixes, y'en a compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, que c'est trop, que tu trembles. QSM voit les paroles de QSM en cocktail. QSM se pose des bonnes blagues de Fougiel. L'anaconda ondule avec satisfaction. QSM en avant, QSM en action. La véranda enfumée et le siège d'orgie. L'anaconda enivré partage ses insomnies. Quitte QSM dans ses délires psychopathes. Schizophrénise le duo et tabasse à coups de batte. On dirait que tu as peur, on dirait que tu as froid. Est-ce de la sueur ou des larmes sur tes tempes? Madame Fronda te fixe, allez compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, que c'est trop, que tu trembles. Allez, recommence, cette fois jusqu'à 4. Tu ne sais plus compter, on t'entend que gémir. Tu vis de ta panse, tu fais même sous tes pattes. Le serpent est une araignée qui te laisse jamais partir. Assassin, les arpèges malsains. La recette est facile, mais QSM est malin. L'ingrédient est rare, on ne le trouve qu'en Bretagne. Dans sa véranda, QSM fume et castagne. QSM aime le vice, et s'immisce dans la luxure. QSM a ses as, est une actrice qui murmure. Murmure des jetés, à qui veut bien l'entendre. Détruit au tailleur, ce que t'appelles ton membre.